Cette chanson me tient à cœur. Elle n'est pas faite au hasard. Et je vais essayer de la chanter avec tout mon cœur. Elle s'intitule Au-delà du regard. Musicien. Et je suis sûr que la basse, elle aurait aimé. Au-delà du regard. Dans la lumière de son monde sans vue, elle percevait plus que ce que l'œil peut suivre. Un sixième sens, une intuition qui embrasse la présence d'autrui sans jamais décevoir. Elle écrivait des lettres, fines et précises, sans voir les lignes. Elle dessinait des mots, son esprit guidé, sa main sûre et habile. Dans le silence de l'encre, son cœur parlait haut. Pas besoin de lumière pour sentir la vie, sa chambre un univers de sensations. Elle savait, elle ressentait, sans un bruit, la compagnie, une danse de vibrations. Un musicien. Les chansons qu'elle gardait, trésors cachés, s'élavaient de sa mémoire. Ah Marie, claire et forte, chaque parole, chaque note, parfaite, agencée. Dans l'air, elle prenait leur envol, sans faute. La cuisine, son atelier, son domaine, où les arômes quittaient ses mains sages. Des gâteaux, des chefs-d'œuvre de sa peine, nés de son toucher, de son doux présage. Elle connaissait le monde par son toucher, les textures, les formes, les contours. Un monde riche à explorer, à chercher, où chaque détail était un nouveau jour. Son sixième sens, un don, une bénédiction. Elle devinait les sourires, les regards absents. Dans le silence, elle trouvait sa direction. Une boussole intérieure, son guide constant. Elle vivait dans la lumière, pas dans l'ombre. Son monde intérieur, brillant comme l'aube, elle nous enseignait, sans jamais sombrer, que même sans voir, on peut illuminer. Et un jour, elle m'a dit d'une voix douce, crois en l'amour. Il est la clé, la voix, ces mots comme une caresse, une étreinte, ont résonné en moi, lumière dans le froid. Croire l'amour, il est le guide, même dans la nuit, même sans la vue, l'amour, cette force qui jamais ne se ride. Elle le vivait, elle le savait, c'était sa vertu. Et je vais remettre la boucle pour tous les aveugles en France et de Navarre. Et je sais pertinemment qu'ils aiment bien les basses. Donc on va commencer par la basse. Wouhou!